Bonjour. J'ai un correspondant qui m'a écrit que j'ai vu son message juste aujourd'hui, qui disait qu'il se doutait que je serais un bout de temps en silence, mais je me disais en voyant ça, je ne suis pas en silence. C'est que j'ai manqué de temps et il y a eu beaucoup d'imprévus ces temps-ci, il se passe beaucoup de choses. Donc, j'ai comme pas mis ça en priorité là, de faire des lives ou. Mais j'ai accordé une entrevue avec David Lévesque. Qui ça fait un bout de temps, là, ça fait quelques semaines. Donc, je vais attendre un peu qu'il y ait un petit peu plus de gens pour voir ce qui se dit dans le chat, dans le clavardoir. Bon, essayons de parler français. Je voyais ça souvent sur la chaîne du studio, là, interagir avec le chat. Mais c'est le chat, là, mais le chat, c'est avant, il s'appelait Petit Minou Noir, là, puis je trouvais ça comique. Bonjour! Marie-Jeanne. Il y a David qui m'a dit que ça, il trouvait que ça interrompait un petit peu des fois quand je disais bonjour aux gens, bonjour Lucie, mais je peux pas m'en empêcher. Quand je vois que quelqu'un vient d'arriver, là, c'est comme il arriverait quelqu'un ici, là, je me lèverais, hein, un petit instant avant de me rasseoir, c'est la moindre des choses. Donc, surtout que là, j'aurais pas le choix de me lever. Donc, oui, j'ai été occupé dernièrement. J'ai engagé il y a plusieurs années une poursuite de plusieurs dizaines de milliers de dollars contre une compagnie, un monsieur millionnaire que personne n'ose poursuivre et ça a duré des années. Et puis là, c'est en délibéré, là. Je suis dans l'attente. Bonjour, Étienne. Donc, j'ai été occupé avec ça, puis il y a toutes sortes d'autres choses là, qui se passent en ce moment. Donc, j'ai pas abandonné la chaîne, j'ai pas abandonné le chat. J'ai abandonné un chat, mais pas le chat, pas le. Bon. Vous voyez? 11 personnes. C'est vrai qu'on est en pleine semaine, là. Je vais pas faire ça longtemps. Bonjour, Marie-Jeanne. Mon chat, il est derrière mon dos. Je suis assis sur le bord du fauteuil. Ah. Bon. Le chat prend toute la place, là. Ils sont tous pareils. Donc, ça sera pas trop long parce que j'ai pas déjeuné. Mais je me suis dit, j'ai vraiment eu envie de faire un direct là, pas long. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Comme je vous dis, j'ai eu un courriel de quelqu'un qui me disait, ah, aussi les autres courriels là, qui sont ceux Berthold Courriel, je sais plus quoi, là, je me souviens jamais par cœur de l'adresse. Ça fait près de 4 semaines que je suis pas allé voir. Donc, désolé. Bonjour Camille. Camille, je dis toujours Camille. Donc, par rapport à ce qui se passe en ce moment, là, bon, comme beaucoup de monde, j'attends que le gouvernement de Zelensky tombe. C'est peut-être un peu paraître pas correct. Là. Bonjour Thérèse. Mais c'est ce que j'attends. J'attends que ce gouvernement corrompu là, tombe. Là. Il est à faire sa tournée là, à pleurer. Là. Vous avez vu au Congrès là, avec. Nancy Pelosi, la dame là, qui a des tics nerveux, là, quasiment des signes de possession. On en a une comme ça, Chrystia Freeland. Elle aussi, là, des fois, elle a des petits tics nerveux, surtout là, quand, bon. Habituellement, vous faites des lives mercredi ou samedi. Ah, je vous avoue, j'ai jamais remarqué. Moi aussi, j'ai des lives avec des histoires juridiques. Ah oui, sur votre terre. Bon. Ouais, ça prend de l'énergie, hein, ça, c'est fatigant. C'est tannant un peu. Bonjour, Nathalie. Ça a duré près de 4 ans, là, moi. Ben, en fait, je me souviens plus trop. Peut-être 5, je ne sais plus. Oui, Chrystia Freeland, là, il y en a qui l'appellent Freakland. Vous savez, elle a un long historique avec l'Ukraine. C'est pas d'hier qu'elle fait des problèmes, cette dame-là. Pourquoi la nommer aux affaires étrangères? Pourquoi prendre une dame comme ça que c'est presque un incident diplomatique déjà avec les Russes, juste la nommer aux affaires étrangères, elle. En tout cas, bonjour, Progressive Connection, Original Réseau, musicien. Oui, je pense que vous m'avez écrit. Bonsoir, Marie. Donc, Zelensky, bon. Possiblement que les médias occidentaux vont finir par l'abandonner. C'est-à-dire que là, on nous montre comme un héros, mais pour des raisons stratégiques. Et puis, il traîne des grosses casseroles, semble-t-il, ce monsieur-là. Même si ça fait pas longtemps, là, c'est un jeune politicien, il y a quoi, 45 ans? Plus jeune que notre ami Justin. Donc, puis déjà mais c'est, vous savez, ces choses-là. Puis, il y a peut-être des choses aussi qui vont sortir sur le. Vous savez, il y avait eu des élections avant, puis il y a eu ce qu'on pourrait appeler une révolution colorée. Et puis, c'est très délicat, toutes ces choses-là. Donc, nous allons voir là. Je pense que Kiev est entouré, là. C'est peut-être une question de jour. Jeanne est ultra riche, oui, il y a plus de 2 milliards. C'est jamais bon signe, ça. Vous avez vu sa grosse maison là, qui s'est fait construire. D'après moi, ça va peut-être finir par être. En tout cas, il va y avoir des travaux. Il va y avoir des travaux. Bon. Je pense pas que les gens en général réalisent le genre de mafia auquel on a affaire dans ce coin-là de l'Europe, là. Vous savez, l'Ukraine, c'est un des pires endroits pour toutes sortes de trafics. Et puis, bon. Oui, tu fais le tour de mes structures dans mon courriel. Je partage sans imposition. Ah oui. Oui, ça me dit quelque chose, mais j'en reçois quand même pas mal. Oui, je suis en forme, mais Sylve. Je suis quand même en forme, là. Je suis quand même en bonne santé. Même, bon, mon réfrigérateur qui part. Mais bon, j'ai été préoccupé, là, dernièrement. Puis aussi, les affaires vont moyennement. Je vais être franc avec vous, là. Puis, bon, il y a un paquet d'autres des petites choses, là, comme ça, qui sont préoccupantes. Comme là, je me suis dit, oh, avant de refaire des lives puis tout, ben, il faudrait que j'aille chez le barbier. Là, je suis rendu comme Thomas Mulcair, là, avec des couettes en arrière. J'ai l'air fou. Mais oui, je suis quand même en bonne forme. Je suis en bonne forme, en bonne santé. Plus qu'il y a 2 ans. Beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Mais c'est certain que j'ai encore, là, pas loin, là, mais. L'or n'a-t-il pas monté? Oui. Mais vous savez, j'avais retiré beaucoup de choses dans l'or pour le mettre ailleurs, notamment dans les avions. Et puis, j'ai été très déçu. Puis là, il redescend tranquillement, ce qui est une opportunité pour moi, là. Je vais revenir dans l'or de l'or. J'en ai physique. Mais bon. Pour ce qui est du minier, là, de l'orifère, bon. En tout cas, trouver une façon de faire de la sélection sur ta chaîne. Non, j'en ai pas trouvé. Ben, ce que je veux, je veux créer un site Internet. Vraiment, là, ça fait longtemps. Ceux qui ont entendu parler, le bottin du supramental. Le bottin du supramental, c'est une idée que j'avais eue. D'un répertoire en ligne qui aurait tous les gens qui œuvrent dans ce domaine-là par lettre alphabétique, qui aurait été affiché en lettre alphabétique. Puis chaque nom aurait été un lien qui va vers les sites, là, juste pour faire un répertoire du supramental. Finalement, le bottin du supramental, les gens avec qui je voulais faire ça, il y en a un entre autres qui est décédé. Il est arrivé beaucoup de choses. Vous savez, en 2, 3 ans, là, dans ce domaine-là, là, du supramental, on a eu un paquet de décès très rapidement, dans un laps de temps très rapproché. Pas longtemps avant, ça m'avait dit il va y avoir du ménage de fait. Moi, ça me parle méprisant comme ça. Carrément. Je suis vraiment en contact avec ce qu'il y a de plus froid, puis de plus. Des fois, c'est que j'y trouve méchant, carrément. Là, à un moment donné, ça n'arrêtait pas de mourir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on fait du ménage, puis c'est pas fini. J'ai vraiment enragé, mais il reste qu'il a continué à avoir des décès. À ce moment-là, là, il y en avait. C'était pas tout le monde encore. Il n'y avait pas encore eu tous les décès qu'il y a eu. Finalement, un bottin pour la conscience multidimensionnelle. Moi, ben, ça serait revenu au même, mais je voulais, sans faire de tri, avoir un répertoire où il y aurait vraiment tout le monde qui touche de près ou de loin à ça. Peut-être à part la dame là, qui vend des œufs de jade, là. C'est à peu près ça, c'est ma limite, là. Mais à part ça, non. Puis finalement, j'ai commencé à penser à des archives. Ouais, je sais. Mais je voulais un répertoire que chacun aurait pu avoir. J'étais prêt à mettre là, de mon propre argent là-dedans, que chacun aurait pu avoir sa fiche quand on clique sur son nom. Que la personne, j'ai renvoyé pour que les personnes mettent à jour eux-mêmes leurs fiches. C'était assez complexe, moi, l'idée que j'en avais, puis c'était assez élaboré. C'est-à-dire, comme j'en avais donné des nouvelles à Monsieur Sabourin, là, quand je l'avais encore dans mes contacts Skype, puis je le tenais au courant pour que c'est quand il y aurait sa fiche, qu'il puisse la mettre à jour, puis bon, que tout le monde puisse mettre ça. J'aurais mis une fiche de base avec les liens, les sites, puis tout, mais j'aurais donné la possibilité à des gens par courriel avec des mots de passe de venir changer. Mais c'était assez complexe, puis il fallait que je rencontre des gens. Bonjour Virginie, oui, ça fait un petit bout de temps. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. Puis finalement, il y a eu tellement d'événements, il est arrivé tellement de choses que finalement, je ne l'ai pas fait. Là, je vous avoue que je pense plus à un site Internet où il y aurait possibilité de mettre des vidéos, puis qu'il y aurait possibilité de justement, qu'il n'y aurait pas juste moi là, qui peut mettre des vidéos, puis quelque chose d'encore générique un peu, là, d'assez général. Puis finalement, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'avais pensé aussi à une maison d'édition, mais pour du contenu multimédia. Pour avoir. Maintenant, je suis plus rendu à l'idée qu'il faudrait au moins enregistrer une compagnie pour au moins pouvoir protéger le matériel, que ça appartienne à une personne morale. Parce que vous savez, il y a certaines structures de diffusion, dès qu'on met quelque chose, ça ne nous appartient plus vraiment. Puis, je voulais avoir des recours, à moins qu'il y aurait, je ne sais pas moi, un non-respect de certaines choses. Ou... C'est là que ça devient complexe. Puis même si j'ai certaines connaissances au niveau juridique, comme par exemple les formes juridiques des entreprises, ces choses-là, ça tombe dans du très complexe que j'ai des lacunes. Ça va me prendre, comme par exemple, justement, là, la petite aventure juridique que j'ai eue, là. J'ai monté mon dossier moi-même, j'ai mon avocate, mais elle, je l'ai consultée. Ça va m'avoir coûté en tout et pour tout à peu près 240 pièces d'avocat, c'est tout. Parce que je lui ai parlé au téléphone un petit peu pour monter le dossier, puis c'est tout. Donc, c'est possible que je vais quand même devoir consulter des gens. Comme des avocats qui sont spécialisés dans le corporatif. Mais à part ça, là, ça devient compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué. Puis là, je voulais que la compagnie, ça soit, si c'était pour, il serait pour avoir une compagnie qui gère ces choses-là, qui a une personne morale pour protéger les droits. J'avais pas envie d'avoir ça sur mes épaules, puis que ce soit à mon nom. Fait que j'avais pensé peut-être une forme comme une fiducie. Mais c'est là, ça devient complexe, ça devient compliqué. C'est des choses assez compliquées. Mais bon, comme le bottin du supramental, entre autres, puis d'autres noms de domaine aussi, on m'a proposé dernièrement de les racheter. Mais là, avant de racheter des noms de domaine, puis c'est parce qu'il faut les gérer après, ces sites-là. Donc, puis moi, je suis pas quelqu'un de techno. Je suis quelqu'un que j'aime plus. J'aime plus faire des choses comme de mes mains, là. Je suis plus je suis pas très techno, là. Je suis vraiment pas un gars. Je suis pas un nerd, là. Mais vraiment pas du tout. Et même, bon, j'ai un petit peu de bibliothèque, mais pas d'ordinateur, ben. Puis, là, je trouvais ça que c'était gros un peu, je trouvais ça de plus en plus compliqué. Puis là, oh, ça prend après des médias, il y a les réseaux sociaux. Il faut après avoir une page pour les sites, puis gérer ça. Puis là, s'il y a une maison d'édition, il y a quand même des frais liés à ça. Après, il faut calculer, ça prend une comptable. Mettons qu'il y a un petit revenu juste pour l'entretien quand même. Mais s'il y a des gens qui s'en servent un peu comme si vous voulez, comme une plateforme de diffusion, puis qu'il y a quand même un revenu, il faut redistribuer ça. Il y a des comptes à rendre. Après, l'entreprise, vu que ce n'est pas une fondation, il faut qu'elle paie des impôts. Si on l'enregistre sur. C'est là que ça devient compliqué. Puis, ben franchement, moi, je ne suis pas sur le plancher des vaches. Ouais, peut-être trop. Des fois, j'ai l'impression d'être à plat ventre à terre, là. Puis, c'est pas mieux, ça. Des fois, il faut avoir la capacité de ramper, puis après de marcher, puis de courir. Puis, des fois, je me sens un peu. Vous savez, des fois, je me rends compte que je fais un rêve à cause de mes difficultés à me déplacer. Il y a juste dans les rêves qu'on voit ça, vous savez, de la difficulté à mettre un pas devant l'autre, là, comme si on marchait dans de la boue. Puis ça m'est arrivé d'avoir. Là, je bifurque, là. C'est pas de ça qu'on parlait, mais ça m'a fait penser à ça. Des fois, j'ai ce sentiment-là dans notre plan d'éveil, de veille. On va commencer par le veille, là. C'est comme, c'était quoi donc? Dans le jardin des oliviers, vous n'êtes même pas capable de veiller, là. Il se faisait faire des reproches. Bon, en tout cas, on s'en va peut-être vers une époque un petit peu plus difficile. Quoique, comme je disais en correspondant dernièrement, vous savez, tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, ben, c'est surtout fomenté, à mes yeux, au niveau stratégique, par les services de renseignement de l'Angleterre, des États-Unis et du Canada. Je pense que les Européens vont avoir des... Vous savez, c'est un peu comme l'affaire du plan Marshall, et puis il va y avoir une destruction suivie d'une reconstruction, et je pense que ce n'est pas les Européens qui vont en profiter. Et si vous voulez être plus à jour par rapport à ça, là, pourquoi je vous dis ça, de vous informer par rapport aux opérations qu'il y a eu dans les 15 dernières années par rapport à l'Ukraine, que c'est surtout la CIA, les services anglais et le SCRS canadien. Et il y a même un bâtiment en Ukraine qui est occupé entre autres par la CIA, par les services anglais et le SCRS. Et tout le bâtiment, là, ces trois services-là travaillent de concert, semble-t-il. Et il y a des plans au niveau de nos amis anglo-saxons par rapport à la destruction, la reconstruction, à mes yeux, de certaines choses, de certaines structures par rapport à l'Europe. Et d'ailleurs, l'Union européenne est une idée américaine. Ça peut sembler, bon, il y en a qui ont dit que les premiers à avoir eu l'idée, ce serait les gens d'origine germanique, mais c'est à mes yeux une idée américaine. Puis vous êtes que c'est une colonie à mes yeux, l'Europe s'est occupée par des États-Unis comme l'Asie dans le du Pacifique. Puis bon, en tout cas, exactement, les services de renseignement mondiaux, ça, oui. Ah oui, c'est le vrai jeu d'échecs, là. Puis il y a des mouvements de pièces. Avec l'abolition primauté parentale ici, ce sera plus que difficile. Ce sera horrible. Oui, mais même là, ça dépend dans quelle couche de la société vous êtes. Dans quelle caste, si on peut dire. Ils travaillent tous ensemble, mais oui. Mais c'est surtout, à mes yeux, c'est anglo-saxon, tout ça. C'est anglo-saxon. Et c'est pour ça que je m'inquiète moins pour le Canada. Prenez les banques européennes, même allemandes, autant que françaises ou italiennes, vont très mal. Les banques canadiennes se portent très bien. Et je pense qu'il va y avoir un transfert de richesses, encore une ponction. Et les Européens vont se faire drainer de l'énergie par le nouveau monde, entre guillemets. Donc, c'est comme si les Américains faisaient la guerre à l'Europe via une confrontation factice avec. Oui, c'est exactement ça. Je le vois comme ça. À mes yeux, Poutine, on l'a fait sortir de ses gonds pour s'en servir. Et ça a fait leur affaire. Là, ils sont tous là, c'est horrible, c'est un fou. Ben oui, mais ils ont tout fait pour que. C'est un peu comme quand il y a eu la crise des missiles à Cuba, si on avait accusé les Américains parce qu'ils réagissaient d'être des fous. C'était à la porte de la Russie. Ça fait des années que ça dure. C'était intolérable. C'est réellement les Atlantistes, l'OTAN, qui n'a pas respecté ses engagements. Et maintenant que la Russie suit sa politique et agit en conséquence d'une façon cohérente, là, on leur fait porter le mauvais chapeau. C'est complètement ridicule, au fond. C'est des pions eux-mêmes. Et ils sont en train de servir à une sorte de jeu où l'Europe va quelque part être en partie, si on peut dire, pressé comme un citron, là. Parce que même la destruction est payante. Vous savez, c'est des compagnies comme SNC-Lavalin qui vont aller reconstruire les compagnies québécoises qui, notamment, qui étaient liées à la Libye, là. Il y a eu des petites choses en Libye. En tout cas, manipulation du peuple occidental pour diaboliser Poutine, oui. Poutine, là, quelque part, là, je le trouve gentil jusqu'à maintenant. Moi, je serais allé plus fort que ça. Je vous expliquerai pas en temps de guerre ce que serait moi mes stratégies, mais ça serait aller, ah, ça, je le trouve gentil. En tout cas, les Américains font exprès pour gosser Poutine. Ben oui, ben c'est comme j'avais dit, j'ai eu une entrevue il y a plusieurs semaines avec David. Puis je disais, c'est comme un gros ours, là, puis le picosse. Ils enragent l'ours, puis ils ont ouvert la porte de l'ours. Puis ils se servent de l'ours. C'est boum, qu'est-ce qui se passe, Danny? Ben oui, mais l'entrevue, là, si vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de David Lévesque. C'est il y a quelques semaines, il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté dernièrement qui m'a dit « J'ai passé 2 semaines à m'informer sur la situation en Ukraine. » J'avais vu passer l'entrevue, mais je ne l'avais pas écouté. J'ai passé 2 semaines à m'informer puis à comprendre ce qui se passait en Ukraine. Finalement, quand j'ai écouté l'entrevue qui datait des semaines avant, tu disais tout ce que j'avais. En tout cas, Poutine est utilisé comme ils ont utilisé Kadhafi. Oui, je pense que oui. En tout cas, Poutine essaie de manipuler ce qu'il manipule, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Mais n'oubliez pas que c'est les mêmes structures comme la FMI, là, la Russie, puis c'est pas un bloc à l'Est complètement coupé avec sa propre... Ils essaient depuis des années, mais il y a ce qu'on pourrait appeler le piège américain. Je ne sais pas ceux qui ont vu ça, là, le film Le piège américain, mais un film québécois là, qui a passé un petit peu inaperçu. C'est très... L'OTAN, c'est quoi? C'est les États-Unis. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, je pense en 2016-2017, le Tango des armes, qui était juste un montage. C'était juste un montage de différentes choses que j'avais dit. Ben, il y a tout dedans. Même la future pandémie, il y a tout dedans. Puis vous avez l'OTAN, puis il y a vraiment tout dedans. Puis je l'avais fait par instinct, je l'avais fait par intuition, mais c'était les années à venir. Puis j'en avais pas tout à fait conscience. Vous avez, j'avais pas conscience de ma conscience, vu que j'avais pas confiance, mais c'était ça pareil. Puis vous avez Bertolt Supramental, qui est pas une chaîne tenue par moi, mais je crois qu'il l'a, lui, sur sa chaîne. Il l'a redownloadé. David le trouve de plus en plus ajusté depuis quelques années que j'écoute sa chaîne. Oui, ben oui. Ben, des fois, il y a des affaires que, bon, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, là, des fois, bon, je bifurque, puis j'ai mes défauts. Mais l'affaire comme que les extraterrestres pour intervenir s'il y a un conflit atomique, je regarde ça, moi, je me fie pas là-dessus. Si jamais un jour, là, on nous met en scène un conflit atomique, puis qu'à la dernière minute, là, il y a des affaires de ce genre-là qui interviennent, je vais y voir une mise en scène. Complètement. Film Omicron de 1962. Ah, moi j'ai vu ça passer, mais. Ouais, il me semble que, bon, mais des fois, vous savez, il y a des choses fortuites intéressantes, mais c'est parce qu'Omicron, en tant que lettre grecque, c'est le petit oméga. Donc, au niveau de ce qu'on pourrait appeler des initiés de la connaissance, ça a des certaines significations. Le petit oméga. C'est quoi le petit oméga, puis le petit O, là, grec? Puis, bon, parce qu'il y a le omicron, mais il y a oméga. C'est pas... Mais c'est lié quand même, parce qu'il y a une affaire microcosme, macrocosme. Mais bon, en tout cas. Mais alpha, il n'y a pas de petit alpha, semble-t-il. Il y a, bon, au niveau de la symbolique, je parle. Il y a des interventions intimes, mais dans le subtil. Ouais, c'est parce que ce qu'on a à faire, vraiment, ce qu'on pourrait appeler ça, là, E.T., moi, c'est pas ça, là. Pour moi, c'est pas de la science-fiction, là. C'est certains types d'entités. Pour moi, c'est pas des extraterrestres. On pourrait parler plus extra-dimensionnel, si vous voulez. Puis, la Terre, j'ai pas la même vision en tant que planète que Rebol. Non, je vois pas ça. J'ai pas le narratif... Comment il s'appelle, là? Le narratif glennien, comme l'ésotérisme expérimental, là. Moi, là, non, c'est pas du tout ça que je vois. Puis c'est pas du tout comme ça que je le prends non plus. Ça veut dire, pour moi, ce n'est pas des extraterrestres. Bon, on pourrait en parler plus en détail là, à un moment donné, mais je fais très attention à ce que je dis. Puis là, YouTube, c'est une plateforme très large. Mais pour moi, c'est pas. Il y a du monde qui disent qu'ils vont nous sauver. Moi, je dis c'est plutôt Père Noël. Ben oui, tant qu'à faire. Les cloches de Pâques vont nous prévenir et ensuite, nous allons. Qu'est-ce qu'on peut trouver la vidéo de David sur le conflit Ukraine-Russie? Ben, c'est sur sa chaîne, c'est la chaîne David Lévesque. David Lev, L-E-V. C'est la dernière entrevue que j'ai eue avec. Mais en tout cas, celle que je parle, il a dû en parler d'autres aussi. Donc, c'est sur YouTube. Puis, je pense qu'elle est au complet sur YouTube. Des fois, il y avait une partie sur YouTube, le reste sur Odyssey, mais cette fois-ci, je pense que. Ah, peut-être n'ont-ils pas nécessairement fait sortir Poutine de ses gonds, mais peuvent se servir de cet événement de façon opportuniste afin de servir leurs intérêts. Ben, tout est toujours récupéré selon des intérêts. C'est l'art de l'improvisation. Rentabiliser le contexte. Puis ça, les Américains sont très bons là-dedans. C'est-à-dire, peu importe le mouvement que vous faites, ils vont récupérer le. En tout cas. Ben, il y en a sur le plan physique, mais à distance, dans le subtil et d'autres non incarnés, dans le subtil. Moi, c'est des contrées où je m'aventure pas trop. Je fais attention. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des expériences par rapport à ce qu'on pourrait appeler des extériorisations de la conscience que je considère comme des manipulations. Puis qui ont cru entrer en contact avec toutes sortes d'affaires. Mais c'est là que c'est dangereux à mes yeux. Ah bon, vous l'avez trouvé. C'est parce que comme c'est vraiment des façons un peu de quitter le concret, pragmatique, pratique de la vie. Il y en a beaucoup qui vont fuir dans ces choses-là d'une certaine façon, mais c'est inconscient. Il faut avoir du discernement dans ce domaine, oui, mais comme dans n'importe quoi. Mais c'est comme les affaires comme, vous savez, il y a toutes sortes de bibites, là. Il y en a toutes les sortes. Puis les gens pour qui ça avait une certaine importance, j'en ai vu beaucoup sombrer, notamment dans la psychose. Donc, à un moment donné, de se rendre compte que par l'âme, il y a de la manipulation, puis que des fois, c'est carrément. En une façon de désamorcer des gens. Donc, de faire attention avec ça. J'aime mieux que les gens portent attention à des choses très, très, très concrètes de leur vie, gérer leurs affaires, puis que d'avoir un intérêt pour ça. Ah, Mathilde. Ah, ben, moi aussi, je suis content de revenir un petit peu, mais c'était pour montrer que j'ai pas abandonné la chaîne non plus, là. Donc, ah, le machisme aussi. Le monde invisible, ben c'est ça. Quand l'invisible devient visible, il faut se méfier dans le sens que y a une différence, c'est la forme, hein, c'est le jeu de la forme. Donc, ce qui est visible n'est pas nécessairement réel. Comme de l'invisible qui devient visible, il y a un gros discernement là, à prendre. Parce que quelque chose qui est polymorphe, peut se densifier de façon, sur différents plans là, de perception, de façon à, ça va être tout le temps. En tout cas, il y en a qui se camoufle bien, là. Il y a des manipulations dans ça, effectivement. Oui, puis extrêmement dangereuses. Pour ça qu'à mes yeux, c'est plus important de s'intéresser, même de pas trop s'intéresser à ça. Les nazis ont-ils vraiment perdu la. Bon. Ça, il y en aurait long à dire là-dessus. C'est une question d'intérêt. Puis, de ne pas voir ça comme un bloc d'intérêt. Il y avait là-dedans différentes factions. Puis, vous savez, il y a eu Paperclip. Puis, il y a eu des transferts de bons. Donc, c'est pas parce que quelque chose change de forme que c'est mort ou disparu. De toute façon, moi, je vois pas beaucoup de différence entre le régime du NSDAP et les Américains, ou pour moi, c'est tout du pareil au même. Je ne C'est juste que c'est comme des mafias. Moi, je ne vais pas faire la différence entre la mafia qui contrôle tel quartier et la gang de rue de tel autre quartier. C'est tout de la dépourrie. C'est juste que la forme change. Ça revient, c'est un peu ce que je disais. C'est polymorphe. C'est polymorphe, ces forces-là. Ça ne meurt jamais vraiment. Donc, ah, bonjour Marie. Comment reconnaître un individu qui se conscientise? Comment définir conscientiser? Ben, l'affaire reconnaître, j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est plus voir dans le sens de toute façon conseiller. C'est pas. Je vois pas ça d'une façon polarisée. Il y aurait des gens éveillés, des gens endormis. Donc, quelqu'un, c'est quoi? C'est défini comme conscientiser. Puis, je verrais ça plus comme une capacité de rester en dehors de la fascination. Entre autres. Moi, je le perçois par ce qu'on appelle souvent la vibration là, dans ce milieu-là, mais c'est difficile à mettre dans des mots. Mais disons qu'intérieurement, on sent à un moment donné. Il faut faire attention afin de ne pas perdre contact avec la réalité. Il sera mon sens en psychiatrie. Moi, ben, je ne suis pas inquiet pour certaines personnes, mais il y en a qui c'est plus. Je suis plus inquiet, là. Quand il y a des intérêts pour les affaires comme les écosystèmes d'insectoïdes, puis de. Là, je commence à trouver ça dangereux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose là. Mais il reste que. Est-ce que ça sert? Moi, c'est ce que je me demande. Est-ce que ça sert ou ça dessert d'avoir un intérêt? Bon. Penses-tu qu'un cataclysme va arriver 2023 pour enlever les populations, comme il est dit dans le milieu spirituel? Pas vraiment. Ils vont pas avec des grosses choses trop, hein. C'est progressif. Puis non. Ben, en tout cas, je ne suis pas inquiet. Je sens pas d'inquiétude pour des cataclysmes, là. Je pense qu'il va y avoir une guerre qui va s'intensifier, puis qui va se transférer, puis sur différentes choses. Mais l'affaire de gros cataclysmes, là. Ça fait super longtemps, moi, que j'attends que la Californie nous foute la paix par un cataclysme. Eh bien, non. Non, je dis pas ça comme si je souhaitais des malheurs, là, mais on doit avoir du discernement de faire le tri pour pas faire de distraction la même chose en conscience. Ben oui. Mais le supramental, c'est vraiment une vibration dans le sens qu'il va y avoir une élévation qui va engendrer un alignement des structures. C'est-à-dire qu'il y aura pas besoin réellement d'efforts. Il va y avoir un centrement qui se fait par lui-même. Mais donc, c'est pas la même chose que, en tout cas, d'autres. Bonjour, effectivement, le film Le piège américain est très intéressant. Oui, puis je comprends pas, ça a passé inaperçu. C'est très intéressant comme film. Selon toi, l'être humain a-t-il été génétiquement corrompu? Ben oui. Oh, par qui et par quel dessein? Bon. C'est parce que quand vous voulez un type de population pour certaines tâches, vous allez vous arranger pour que les attributs pour la fonction. Si vous voulez un bon serviteur, vous allez vouloir qu'il vous soit semblable, mais sans les mêmes capacités au niveau de la gestion, parce que c'est pas ça qui est la tâche de l'attribut. Donc, la question à se poser, c'est si on regarde la planète un peu comme un élevage, pourquoi il était dit qu'il était donné à l'être humain une intelligence semblable à celle des anges? En tout cas, c'est des sujets que, bon, j'aime autant rester un petit peu, rester dans le concret un peu, même si c'est très concret à mes yeux. Marie, il faut commencer par arrêter de faire là. Marco, le type serait-il un update des manipulateurs pour conditionner certains individus à un type de travail, le limiter sur certains plans? Je pense que oui. Ça, je m'étais déjà exprimé là-dessus, notamment en entrevue. Vous savez, là, le petit fonctionnaire parfait là, qui veut suivre parfaitement les règles, là, qui est très psychorigide, là, qui aime avoir des horaires qui ne changent pas, là, très mécaniques, qui veut une routine rigide pour le rassurer. Moi, j'aime pas savoir qu'il y en a de plus en plus de ça et semble-t-il que, bon, ça se manifesterait par ça. En tout cas, vous savez, là, il y a des rumeurs comment ça s'est répandu, là, entre autres. C'est des petits fonctionnaires parfaits, certains autistes, là. C'est c'est des employés parfaits. Ils vont toujours suivre à la lettre. Hein? Il y a pas de... C'est difficile d'avoir de la créativité là-dedans. Il y a une forme de créativité, oui, mais c'est plus rigide, c'est plus... J'ai bien de la misère avec ça, surtout qu'il y en a de plus en plus quand on nous vend ça comme un avantage, là. Puis on a un au Québec, un Français, là, qui dit qu'il a fui la France parce que les gens, versant en psychanalyse, le persécutaient. Ça m'a tout l'air d'être un crosseur, ça. En tout cas, m'arrêter là-dessus, là. Comme on dit, il faut savoir où on met les pieds. De toute façon, je pense pas que c'est irréversible, vous savez. J'ai par ça, notamment, là, certaines améliorations au niveau de l'alimentation. Je sais pas, ceux qui ont des enfants, là, qui ont des diagnostics, là, y est pas, soyez pas trop découragés. Puis, en tout cas. Le bioterrorisme actuel fait partie du cataclysme. Ben, mais je pense qu'il y a une guerre en ce moment biologique. C'est pour ça que les populations sont conditionnées à accepter qu'on fasse exactement, qu'on leur donne des directives de plus en plus, là. Puis, quand là, des couvre-feux, puis. Je pense qu'il s'en vient quelque chose de cet ordre-là. C'est pas très réjouissant, là. Que penses-tu du calculateur alpha numérique pour comprendre la matrice? Je sais pas de quoi vous parlez. La matrice, moi, j'aime pas ce terme-là. C'est quoi le réel? C'est quoi le réel? La matrice. Ça veut une matrice, c'est un environnement nourricier habituellement pour quelque chose qui est en gestation. On est énergie, ils ont besoin de nous. Ben oui, c'est des vampires. Dans ses communications, Bernard a toujours dit que la lumière venait du peuple américain. Non, il disait que la lumière viendra d'Occident. Il n'a pas nécessairement dit américain, là. Et de ne jamais faire confiance aux Russes. Moi, je suis plus nuancé que ça. Parce que là, il y a la différence entre les Russes, c'est pas une entité. Vous savez, les Russes, il y a un principe d'altérité ici là, qui est subjectif un peu. Il parlait, les dirigeants russes. Moi, je ne fais pas confiance aux Russes parce que je ne fais pas confiance aux Américains, là, au fond. Là. Parce qu'à mes yeux, ce jeu-là, Est-Ouest, j'ai jamais cru. Est-il possible de déjouer l'astral? Faire chier les entités ou c'est encore donner de l'énergie à des mémoires mortes. Ça dépend. Ça peut être nécessaire au début. Parce qu'il faut brûler de la naïveté. Donc, il y a certaines choses, des fois, faire chier l'astral, bon, c'est intéressant au début. Les gnostiques, ça te parle? Oui. Ben oui. Ben, ça me parle dans le sens, je sais à quoi vous faites référence, mais là, est-ce qu'on parle de l'gnostique comme à certaines époques en Égypte? Ou si on parle de l'agnostique comme certaines sectes qui venaient entre autres du Mexique dans les années 70-80. De quoi vous parlez là? Parce que moi, là, Samael, Van Weyers, ça me parle de patente de même, là, non. Non, non, non, non, non. Ben, là, je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant là. Mais bon. Ils ont besoin de peuples soumis. Ben oui, c'est la fonction d'un peuple. C'est de la ressource humaine. Mon Dieu, bon. On parlait d'énergie là plus haut. Il y a différents autistes, des retardés, des un peu affectés qui les font cogiter, même accéder aux consciences et d'autres des nuls. Moi, ça dépend, là, comme les autistes de canard, là, il y a un retard mental souvent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel d'une intelligence normale, mais qui reste en potentiel. Mais là, il y a possiblement. En tout cas, c'est un sujet vaste. Je n'avais pas compris que la lumière venait des États, mais plus qu'ils ne se laisseront jamais ôter leur liberté. Ça dépend de quoi on parle, là. Est-ce qu'on parle de le peuple américain, la classe moyenne, entre autres, là? Comme on peut voir dans le sud des États-Unis, ou est-ce qu'on parle des Américains en tant qu'élite politique et corporatiste, indiquer différentes cliques, ça dépend. C'est là la nuance devient importante. Sommes-nous du coup à la fin du cycle? Ben oui. Il y a 200 ans, on était à la fin du cycle. On fait qu'on l'a encore. Sommes-nous du coup à la fin du cycle, à la fin de la cinquième race? Comme, ben oui. Ben oui. D'ailleurs, la sixième était déjà il va avoir une transition. Naviguer dans l'astral avec la conscience de son caractère illusoire au lieu de se perdre dans un film, de fusionner avec l'histoire, être comme un lecteur qui tient le livre et non le contraire. Ouais. Vous savez, c'est encore mieux de ne plus avoir à aller naviguer. Parce qu'aller naviguer dans l'astral, vous voulez dire quoi? Ici, maintenant, naviguer à travers un monde astralisé ou aller au niveau là, d'une projection là, dans des plans qui sont, selon moi, des décors pour entreposer de la mémoire? Ça dépend. La race nord-américaine vient Mandou, d'Aldébaran et les Russes d'Orion. Vous savez, il y a une race nord-américaine. Ça dépend, là, est-ce qu'on parle au début de l'ère glaciaire, là, les... Bon, en tout cas. Toujours d'après Bernard, moi, j'en sais rien, mais visiblement, ils ont du mal à s'entendre. Vous savez, l'affaire, là, d'Amérique, puis moi, mes yeux, c'est vibratoire, c'est pas... Dans le sens, il y a une vibration de l'Amérique, vraiment, là. C'est comme... il y en a un, je connaissais, qui comprenait ça beaucoup. Comme lui, il était allé à New York, puis il me parlait de la vibration de New York. Les New Yorkais, peu importe leurs origines, il y avait une vibration de New York. Donc, c'est quoi la vibration de l'Amérique? C'est quoi? Est-ce que ce serait lié aussi à un positionnement sous le ciel, puis à un géomagnétisme? C'est donc, puis aussi ce qu'on pourrait appeler les missions. Des peuples, c'est-à-dire des programmations collectives. Il y a deux concepts concernant la matrice, d'un qui est l'astral planétaire et l'autre que tu parles. Moi, je pourrais pas dire, je suis pas quelqu'un qui fait concept, là. Moi, à mes yeux, pour moi, ces affaires-là, c'est plus que des concepts, là. C'est pour ça que je suis là, dans ça, là. Parce que le concept sert à conceptualiser ce qui est une matrice intellectuelle en soi. Mais c'est pas parce que l'intellect est un peu comme un programme informatique qui fait des modèles pour spéculer. Une fois arrivé dans le réel, des fois ça marche pas. Donc, pour la matrice, c'est maintien prouvé. Le soleil est un hologramme. Bon, ben, il vous reste juste à aller en physique nucléaire, là, entre autres. Là, vous donnez à aller démontrer ça, là. Moi, je ne commencerai pas à considérer que le soleil est un hologramme et que c'est prouvé. Je peux pas. C'est maintien prouvé. C'est maintenant prouvé. Regardez le soleil blanc. Il est tout sauf normal. Ben oui, mais vous savez, la densité des particules dans l'air, puis à cause de certaines expériences, entre autres depuis les années 70, dans la composition de l'air, c'est normal de plus percevoir la lumière du soleil de la même façon parce que les particules dans l'air ne sont plus les mêmes. Il y a eu certains changements, semble-t-il, au niveau de micro-particules dans l'air. Ça peut influer là, le soleil, là, la perception qu'on en a. De toute façon, on fait quoi avec ça, Cindy? OK, mettons, là, OK, le soleil est un hologramme, il est pas normal. On fait quoi avec ça, là, maintenant? Moi, je fais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Fait que demain matin, là, l'inflation vient de quadrupler, puis là, c'est le prix d'une maison pour acheter un poulet. On fait quoi? On s'en fout, là. Moi, je m'en fous le soleil, là, quand bien même ce serait un rond de piste de souris cosmique. Ça change quoi? On fait quoi avec ça? À mes yeux, c'est même pas de la conscience. Ça se passe pas dans le concret du créatif de l'individu qui, lui, est un être en gestation, en formation, qui doit intégrer du réel au niveau de créer un espace expérimental qu'il rentabilise. Moi, je peux rien faire avec ça. Donc, je peux pas aller vérifier non plus. Puis, le prouver, c'est pour ça que je vous dis, bon, ben, devenez démontrez-le aux universitaires, puis quand même eux ne sauront plus quoi vous répondre, là, je vais dire, OK, peut-être. La perte de mémoire est un symptôme appréciable. Je ne me bats plus contre. Je me dépollue. C'est drôle, il y a des choses, je vais en avoir la mémoire juste quand j'en ai besoin. Mais la mémoire la plus intéressante de la perte, c'est la mémoire expérimentale psycho-affective qui fait qu'il n'y a plus les mêmes patterns. Vous savez, là, il y a des programmes qui ne se déclenchent plus. Comme par exemple, si vous étiez porté, je ne sais pas, moi, à ressentir de la peine quand, dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait de quelque chose par rapport à votre physique, si ça, vous avez perdu la mémoire, si on peut dire, c'est sûr que ça sert, là, ça fait de l'énergie disponible qui ne va plus dans une structure, en tout cas. La sixième race habitera seulement dans l'éther, vous peuplerez encore la terre matérielle. Non, non, hein, mes yeux sont encore plus denses. Il y en a là, du monde, la sixième race. Ce n'est pas des êtres éthérés. Oui, mais c'est multidimensionnel, il y a un corps physique. Là, on n'est pas encore rendu à. Vous savez, il est supposé avoir l'évolution jupitérienne. Mais même là, c'est des mots que. C'est juste parce que, bon, il y a des planètes en orbite, Jupiter, c'est. Hein, par déduction. Chez vous, il y avait aussi la poussière jaune. Ils disent le sable du Sahara. J'ai trop de doutes. On peut utiliser un aimant et ça attire. C'est pas le sable pour moi. Ouais. Il faudrait regarder au binoculaire si c'est réellement décrit. Il y a des cristaux de silice là-dedans. Je serais bien curieux de voir ça. Mais non, vous avez raison. Non, non, il y a de quoi de là-dedans. Là, c'est pour. C'est un phénomène louche. C'est peut-être de la poussière de l'île du Prince-Édouard. Non, c'est une farce que je fais, là, parce que c'est des couleurs. Vous savez, l'île du Prince-Édouard, la Terre est. Je suis allé une fois, puis j'avais des souliers blancs. Petits chemins de terre qui tachent le blanc, là. Par naviguer dans l'astral, je faisais référence à la lecture. Ok, bon, c'est ça, je voulais savoir. C'est la dernière chute astrale que j'apprécie encore, que c'est des bandes dessinées que je lis à mes filles. Ah. Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés, j'arrive pas à lire. Aussi, tout ce qui est fiction, j'ai bien de la misère. Mais là, c'est pas pareil, là. C'est pour lire à vos filles ou. Plus j'avance et plus je me sens comme. Étouffé par des pensées désagréables et à certains moments, une colère arrive sans raison, je sens de la puissance et toutes les pensées se stoppent, se reposent. Bon, ben, c'est une phase intéressante, ça, vous êtes en train d'intégrer de la capacité à, justement, au moins, il n'y a pas une identification aux pensées. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'identifie à ses pensées, puis qui pense réellement qu'elle vient d'elle, puis qu'il y a une identité psychologique comme ça, on peut pas. La colère, là, c'est ce qui va donner, ça peut être transmis en volonté, justement, de plus subir les pensées. C'est déjà un début, là. Mais après, avec la répétition, même les pensées vont. Vous allez plus être obligé de. Je connais un gars dans l'armée qui dit que les lignes dans le ciel, c'est pas de la bullshit. Moi. Ben moi, mon père avait été militaire. Dans sa deuxième vie, c'était pas un militaire. Mais lui, quand il y avait les Américains, vous savez, dans ma région, ils viennent s'entraîner, puis il y a des jets. Lui disait, ils ensemencent les nuages. Il m'avait dit ça, ils ensemencent les nuages. Puis par après, il y a eu une déclassification de certaines affaires, certains projets qu'il y avait eu dans les années 70, puis j'avais repensé à ce qu'il me disait. Puis, moi. Ouais. En tout cas. Voyons, je trouve plus le. C'est quoi normal? Normal? Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'une norme collective ou de quelque chose qui va de soi en tant que quelque chose d'harmonieux? Est-ce qu'on parle de la normalité engendrée par la subjectivité collective sociale? Ou est-ce qu'on parle de la normalité au sens de l'harmonie structurelle de la circulation dans des structures, l'énergie entre autres, les rapports harmonieux. Normal, ça peut être plein de choses. Je me souviens plus dans quoi je l'avais. Je connais un. Ok, bon. En fait, quand je parle de concept, c'est un mental ajusté par des formes créées par de la. Mécanique multidimensionnelle. Il y a quelque chose ici, un mental ajusté par des formes. C'est pas le plan mental d'abord. Ajusté par des formes, là. Le plan mental, là, il va avoir il va ajuster les formes. Il va pas être ajusté par des formes. Donc, mais je pense que je comprends, là. Un rond de piste de sous-moi. Les phénomène chemtrail est assez documenté à l'heure actuelle, et puis il suffit de lever les yeux, voir que le climat. Bon, mais dans mon coin, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est surtout au-dessus de l'Europe, hein, vous vous faites quadriller. L'Europe se fait quadriller, certaines régions aussi, où il y a des grosses villes. En tout cas. Mais il y a différents types de particules aussi, semble-t-il. Ça n'a pas les mêmes effets. Là. En tout cas. Mais vous savez, c'est des sujets. Si on s'intéresse trop à ça, puis à un moment donné, ça draine un peu de la. L'intégration, au sens où je la parle, elle ne se fait pas par l'instruction à ce niveau-là. Là. C'est pour ça que, bon, j'ai étudié un petit peu ça, mais pas plus qu'il faut. Ça ne m'inquiète pas. Rendu un point, il n'y a pas grand-chose qui me. Puis si, bon, mettons là, qu'on se fait atomiser demain matin, ben à ce moment-là, tous mes problèmes vont être réglés. Non, c'est une farce, là, mais c'est une façon de dire que, à mes yeux, il n'y a plus de logique à trop vouloir accumuler de certaines connaissances. Je le fais par mécanicité, mais j'ai pas d'intérêt, là. L'ayahuasca, des amis me le proposent, mais mon contact me dit il y a fascination dans leur démarche, je me fais back. Ouais. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire quoi faire aux gens, là. Mais je vous suggère d'éviter tout ce qui est les démarches spirituelles liées à du psychoactif, puis de juste vouloir là, mener une vie normale dans un monde qui est de plus en plus anormal, c'est déjà un tour de force. Pas besoin de tomber dans l'ayahuasca, ou bien le peyote, ou l'autre, comment ça s'appelle, l'autre, la chandelle péruvienne, là. En tout cas, Santa Barbara. Non, c'est quoi qui a été. Vous savez, il y en a tellement de. Juste les onguents, là, vous mélangez de la laitue sauvage là, avec du lotis bleu, puis d'autres affaires, là, puis même certains autres là, faits avec. Les graines d'une plante ornementale que je nommerai pas, ça peut être extrêmement dangereux, psychiquement parlant. Il y en a qui vont subir une psychose puis ils reviennent plus. Il y a eu des cas comme ça, notamment des étudiants en Californie qui ont fini dans des asiles. C'est pour ça, entre autres aussi, des fois, on va vivre une expérience qu'on n'avait pas les corps pour de complètement dense encore. Puis, c'est pour ça que ces plans-là, c'est pas pour rien. Les chamans, dans le temps, il y avait il vivait un processus de formation. On s'en va pas comme ça. Donc, mais c'est votre décision. Si vous voulez, si vous avez la vibration de l'essayer, ben essayez-le. Je ne peux pas à moi de vous dire quoi faire. Mais personnellement, je suis un chemin totalement contraire. Tout ce qui est altération. Je fuis totalement tout ce qui est altération. Comme je vous dis, là, juste vivre d'une façon, essayer de vivre normalement dans un monde de plus en plus anormal, puis juste rester centré dans un monde déjà de plus en plus décentrant, c'est déjà un tour de force. Et elle est là, l'intégration réelle à mes yeux. Rester centré, là, puis pas se laisser impressionner, puis pas bifurquer, puis bon. Un jour à Amiens, l'air était couleur sépia et avait l'odeur du soufre. Le sable ne sent pas le soufre. Moi, ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. Vous connaissez l'expression « ça sent le soufre » En tout cas, je regardais une vidéo des années 1973. Il y avait déjà des épandages. Oui, le plus gros du programme, c'est dans les années 70. En passant, c'est lié à l'OTAN. Malgré que les Chinois et les Russes ont développé leur programme, là. Ils ensemencent des humains. Oh. Je sais pas, ils ont tous l'air des désosseux. Les désherbés en ce moment. Verrons-nous de notre vivant une société lavée du mensonge et de la corruption? Ben oui, mais ici, c'est la planète mensonge, c'est la planète corruption. Vous pouvez former une micro-société, puis vous allez voir, là, je peux vous promettre, là, dès que vous allez atteindre un certain nombre de personnes, il va y avoir du mensonge et de la corruption. Pareil. Un âge où l'intelligence sera dominante. on n'est pas dans un âge d'or, là. On arrive à la fin d'un âge de fer. Puis, ben, franchement, je me demande, est-ce qu'on est en train d'en sortir ou de rentrer dedans? Est-ce que c'est la fin d'un cycle ou le début d'une fin de cycle? J'ose pas me prononcer. La mémoire enregistrée qui veut se réactualiser, se raffiner. Je vois ça dans tout maintenant. Les photos, les gens qui mettent de la musique, les tatous. Qu'est-ce que c'est? Reposer un écureuil. En avez-vous déjà vu un écureuil là, dans votre maison? Qui... Je trouve pas... C'est... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est bien, bien tannant, un écureuil. Ça a de l'énergie pas mal. Je sais pas, dans le temps au Québec, on faisait les écureuils au vin blanc. Petite parenthèse comme ça. Vous avez la recette dans l'encyclopédie de la cuisine de Jeanne Benoît. Les écureuils au vin blanc. Je sais pas, hein, ça s'est perdu ça. Il n'y a plus personne qui veut manger de l'écureuil. Dans le temps, on appelait ça les petits écureuils. Là. Claire Sévrac, moi et Madame Sévrac, mais je ne l'ai jamais... Je la connais au sens le livre là, La guerre contre les peuples, puis qu'elle a fait des conférences. Je connais sa ligne, qui est la ligne de beaucoup de monde. Elle mais il y a des choses. Bon, j'ai jamais eu la vibration de l'écouter en détail. Mais bon, son cancer fulgurant, juste. En tout cas, je me prononce. Si on entend une voix. Comment savoir si c'est l'ajusteur de pensée ou l'astral? Parce qu'il faut la tester, la voix. C'est ta force. Il va falloir venir à bout de dévoiler ce qu'il y a derrière la voix. Puis ça, justement, c'est en testant la voix. C'est-à-dire que votre ajusteur de pensée, puis le double, moi, à mes yeux, c'est pas nécessairement la même chose. Mais le double, lui, il est censé avoir la capacité de communiquer avec d'autres doubles, puis il y a un plan général pour la programmation de plusieurs personnes. Donc, en le testant, il va savoir des choses. Il va, à un moment donné, il va vous sortir quelque chose, il va faire une assertion qui va être vérifiable. Puis là, à partir de ce moment-là, vous pouvez savoir que c'est le double, tandis que l'astral est menteur. L'astral se trompe beaucoup et va être trompeur carrément. Donc là, ça devient... Savez-vous ce que ça m'a dit l'autre jour? Ça m'a dit... À un moment donné, j'avais dit, j'aimerais ça avoir la paix avec telle affaire là, que je suis obligé de gérer, puis j'aimerais ça arriver dans une situation où j'ai pu m'en faire avec ça, puis que je puisse me consacrer plus justement à exercer ma parole, avoir plus pouvoir sortir plus souvent de l'intellect, puis plus être tout le temps... dans l'inquiétude, entre autres, technique par rapport à des choses. Puis ça m'avait dit, si tu réussis à avoir une situation qui est plus calme, puis que tu réussis à te créer une structure où tu vas pouvoir plus librement continuer à exercer la parole, vas-tu rester aussi obséquieux que tu l'es? Puis à ce moment-là, j'ai été obligé d'ouvrir Google puis d'aller voir ce que ça voulait dire obséquieux. Puis là, ça m'a dit, ben oui, mais t'es trop fin, puis c'est pas sincère. Vous savez, moi, mon double, je le reconnais comment, il m'aime pas trop gentil. Plus que j'en vois chier le monde, plus qu'il est content. Puis ça pourrait aussi bien être l'astral, mais l'astral va être plus justement dans m'encourager à être d'une espèce de politesse de surface. L'astral n'aura pas la vibration de m'encourager à une franchise, une franchise fracassante et sec. L'astral va être souvent mielleux, il va être dans le superficiel, puis le côté, là, il y a un petit arrière-goût là, spirituel, là, naïf, là, pastel. C'est pour ça que comment faire la différence? À un moment donné, vous allez le voir par la vibration. Parce que les entités réellement, c'est une entétisation, dans le fond, le double, mais c'est en contact pareil avec certains plans. C'est une intelligence froide qui se fout. Qui se fout de la politesse, entre autres. Très surprenant. Comment est-ce que c'est sec, puis bon. Mais c'est par l'expérience. Vous allez voir. De toute façon, moi, j'entends pas de voix au sens où on pourrait, comme un schizophrène qui entend des voix, là. C'est pas comme ça que ça me parle. C'est que des pensées inattendues vont surgir, puis c'est comme si je me parlais dans ma tête. Donc, faire attention, là. C'est pas, vous n'êtes pas supposé nécessairement entendre une voix comme un schizophrène qui entend des voix, là. C'est mauvais signe, ça. Je trouve ça un peu inquiétant. Quoique ça m'est arrivé dans certains états seconds. Commente la veille et le sommeil, puis bon. Donc, je ne sais pas si je réponds. Les encensements, le ciel, il me semble que. Un encensement, ensemencement, OK. Il me semble que la lumière est plus blanche que quand j'étais petit. On dirait un éclairage au néon avec le masque dehors, on dirait un hôpital. Oui. Ben, ça, là-dessus, ça, oui, je l'ai remarqué, puis je pense qu'il y a des particules dans l'air, plus que la nature du soleil. Quoique peut-être qu'on émet des particules dans l'air en lien avec la nature cyclique du soleil. Donc, c'est là que ça devient. Mais encore là, je vous le dis, on fait quoi là avec ça? C'est lié à du. Moi, chez nous, à Pierreville, plein en tout temps, des chemtrails moins. Je ne sais plus c'est qui a parlé. Je pense que c'est Ken Pereira dernièrement qui avait parlé de l'affaire de Pont-Saint-Esprit, là, le pain maudit. Puis qu'il y a quelqu'un, possiblement européen, qui avait écrit dans les commentaires, oh, c'était de l'ergot, qui est l'explication officielle que c'était de l'ergot de seigle dans le pain. Ben, ceux qui s'intéressent vraiment, allez voir ce qui était déclassifié par rapport à ça. Puis il y a eu plus que ça, là. Puis oui, la CIA est impliquée là-dedans. Puis oui, des Américains. Les Américains qui sont arrivés en Europe comme des libérateurs, puis qui ont occupé le territoire, ben, ils ont traité la population comme des cobayes. Donc, cette expérience-là. Donc, l'affaire de l'ergot de seigle, non, là. Ça ne peut pas aller jusque-là. Il y en a même qui ont dit que l'affaire des sorcières de Salem, c'était lié à de l'ergot de seigle. Il faut vraiment pas avoir regardé comme il faut. En tout cas. Ben oui, surtout laissez faire les chemtrails, Morgelon, et qu'il fera forme regarder au microscope les feuilles de légumes au gazon. Ah, mais ça. Vous savez, tout ce que je peux pas vraiment changer, je peux jouer au niveau de mon espace expérimental à moi, mais tout ce qui me dépasse trop en tant que capacité d'action, entre autres créative, là, je sais pas m'en faire avec ça. Quand BDM parle des Atlantes, ça m'énerve. Ben, c'est sûr, moi aussi. Mais là, ça dépend ce qu'il veut dire. De toute façon, c'est plus la vibration. Donc, c'est dit. Peut-être que c'était ajusté dans les années 80. Ouais, la forme. Mais il reste que les Atlantes, faut comprendre ça comme la quatrième race, si vous voulez. Entre autres, qui est encore là, au niveau parasitaire, si on peut dire, dans certaines subjectivités de la pensée humaine. Puis que même sur le plan international, là, l'espèce de conflit Est-Ouest. Est-ce qu'avant de créer la guerre, on attise les égrégores de la guerre via les médias? Vous savez, la guerre, avant de se densifier, de se cristalliser, ça commence dans le subtil, la guerre. Ça commence tout le temps subtil, la guerre. San Pedro, oui, c'est ça, le cactus. Ouais, puis ça, vous savez, en numérologie, souvent j'ai pu prédire une portée de chat. Quand il y en avait quatre, souvent je disais à la personne, j'ai dit, il y en a un qui va être malade ou qui va mourir. Parce que le chiffre 4, comme vous savez, là, c'est pas pour rien, les Japonais ont une phobie du chiffre 4, qui est liée un petit peu dans leur culture à la mort. Ben, le San Pedro, il faut, si jamais là, vous décidez de vous garrocher là-dedans, il y a quelque chose de lié à la numérologie des côtés au niveau de l'effet. Puis ça, c'est difficile à expliquer au niveau moléculaire des substances actives. Pourquoi? Parce qu'il y a du subtil qui entre en ligne de compte. Il y a des lois systémiques liées aux chiffres. En tout cas, si vous voulez pas faire un bad trip, là, prenez-en pas une chandelle qui est d'un côté pair, des côtés pairs en nombre pair. Mais oui, il y en a, ils se garagent dans tout ça, là. Tout ce qu'ils trouvent, ils expérimentent, expérimentent, puis ils jouent dans les structures subtiles de leur système nerveux. Des fois, le cerveau éthérique n'est même pas activé encore, puis finalement, ça peut être dangereux. Donc, c'est pour ça que, bon, Moi, je n'ai jamais pris ça du San Pedro, je n'ai pas l'intention de prendre ça non plus. Ça ne m'intéresse pas ces affaires-là. Ben franchement, là. Le chamanisme, c'était l'enfance de l'humanité. Puis on dirait, il y en a qui sont encore à cette phase-là. Il faut qu'ils voient qu'il y a des plans à tout prix, quitte à ce. Mais ça, c'est une phase déjà enregistrée. Déjà enregistrée, on est supposé savoir qu'il y a des plans. En tout cas. Là, c'est de se densifier dans le plan matériel multidimensionnel de la matière, que tous les plans. Puis d'exercer notre autorité, là. En tout cas, au moins au niveau créatif, individuel. Mélodie Hergé, elle a fait une vidéo, elle parle de vos origines de la France. Elle parle du groupe Sanguin. Jette un coup d'œil. Ah. Ah, ben, je sais pas c'est qui. Je vais peut-être aller voir, mais comme je vous dis, je manque de temps. Mais je vais justement arrêter le live bientôt. Je vais devoir manger. Ah, le machisme, il répond à quelqu'un. Oui, Virginie. Oui, menez une vie normale. Continuez à être vous-même, même, si on peut le dire. Pas se laisser altérer. Si la vibration est haute, on s'en fout des particules dans l'air. Ça n'aura pas le même impact. Je ne sais pas si vous voyez ce que je sais pas vous, mais moi, je vois la lune à 10h, 11h, à midi, 13h, toute la journée. Ben, ça dépend. On peut la voir en plein jour, des fois. Peut-être, si vous pouvez la filmer avec votre téléphone, ben là. La fin de cycle, la grande moisson, c'est quoi pour toi? Rien. Pour moi, la fin de cycle, c'est juste, c'est lié justement aux phases. Les cycles, c'est parce qu'il y a différents, il y a ce qu'on pourrait appeler les grandes programmations, qui sont liées au cycle de vie de la planète, entre autres, semble-t-il. Donc, grande moisson. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'on est comme un champ de concombres, là, puis qu'il y a des bébites qui viennent manger les concombres. Je vois pas ça comme ça. Dans la question de la fin de cycle ou le début de la fin, il y a la réponse. Ben, pourtant, il y a deux énoncés, là. L'expression sentir le souffle s'applique à toute situation tendue qui prend une mauvaise tournure, pas nécessairement, parce que sentir le souffle, ça implique quelque chose lié à un autre plan de basse fréquence. Pourquoi? Parce qu'anciennement, quand on parlait le souffle, on parlait entre autres les entités infernales. Quand on disait quelqu'un sent le souffle, c'était dans le sens, dans le temps où il y avait encore la peur de la sorcellerie, entre autres. Quelqu'un qui sentait le souffle, c'était quelqu'un qui pouvait avoir pactisé avec des entités infernales. C'était dans ce sens-là que c'était employé souvent. Puis au niveau de certaines expériences qui ont été menées à la fin du 19e siècle, où on essayait de matérialiser des entités ou des phénomènes, des fois il y avait une odeur d'ozone dans l'air. Dépendamment le type de manifestation qui était provoquée, des fois il y avait une odeur de soufre. Puis c'est pas le même type de manifestation, il y avait c'est étrange, hein? Mais il y a une ionisation de l'air quand certains phénomènes se produisent. Mais là, bon, peut-être. Moi, je m'avance en disant que l'ère du poisson finit pour un commencement de l'ère du Verseau et que j'appelle le nouveau. Bon, c'est comme vous voulez. Moi, je m'avance même pas. Ça aura le nom qu'on lui donne. Les choses aussi ont la valeur qu'on leur donne. Au fond, peu importe le nom qu'on donne, ça va arriver. C'est implacable. Les événements sont implacables. L'autorité des événements sont dans leur application implacable. C'est ça le réel quelque part. Donc, pendant le premier confinement, quand Macron avait dit que la bête de l'événement était là, le lendemain, ça sentait le souffle dans plusieurs villes du monde. Moins. C'est parce que la bête, moi, je la vois comme, si vous lisez l'Apocalypse, là, vous relisez l'Apocalypse, puisque certains groupes initiatiques peuvent entendre par la bête, on pourrait parler d'une certaine organisation. On se pose trop de questions, et voilà. Le supramental, c'est poser des réponses. Si vous avez la question, c'est parce que vous avez quelque part la réponse. C'est l'intellect qui vient créer la distraction question-réponse. En tout cas. Au final, les insoumis, si je peux dire ça comme ça, la solution est de continuer à se conscientiser, vivre notre vie et arrêter de se faire des scénarios. Et voilà. C'est de ça, moi, que je voudrais le plus parler, entre autres. Puis aussi de certains phénomènes subtils qu'il va falloir intégrer pour continuer à vivre notre vie malgré qu'on est dans un monde anti-vie de plus en plus. Donc, pour ça, il va falloir intégrer certaines affaires. Puis, j'arrive pas, moi, à m'instruire sans le parler. C'est en parlant que j'apprends. Donc, bon. Le double éthérique nous donne toutes les informations multidimensionnelles, mais il faut être sur le taux vibratoire du palier de la 5D. Alors, vous voyez, là, vous me perdez. Dans le sens, c'est des choses que je ne mets pas nécessairement de forme ou de terme à ça. Je voulais te remercier pour tes prises de parole, tes interviews, etc. Avec toute la naïveté que j'ai brûlée, ça donne un sens. J'aime ta franchise, ton naturel aussi, tes pétages de cochard, ben tant mieux. Bon, ben merci à vous. Ouais, parce que les pétages de couche, moi, j'ai mauvais caractère. Hein. Surtout quand c'est certains sujets. Là. Il y a des choses que j'en ai tellement. Je suis tellement tanné là, que bon, je réagis. C'est quelqu'un qui m'a dit dernièrement si tu réagis au corps de tour, moi. Oh, il y a deux affaires que bon. J'ai l'impression de recevoir de l'intelligence, non pas par une voix, mais par simplement une vibration et conduite à tenir en accord de celle-ci. Oui. Il y a quelque chose que... Ça fait 35 ans que j'entends une voix, la mienne, ça c'est intéressant. Ah, il y a Johan, j'ai pas eu le temps de vous lire. Mais Franck, il dit, j'ai l'impression de recevoir... Oui, c'est vibratoire l'intelligence, plus que formel. C'est-à-dire qu'avant la forme, avant que ça prenne forme au niveau de l'intellect, c'est avant ça. Donc, même une fois que ça a pris forme, il y a une fréquence. Donc, c'est une affaire de fréquence, puis ça peut se percevoir ça. Comme maintenant, je me fie plus à ça. Comme pour savoir, je peux faire confiance à quelqu'un, je regarde la vibration de la personne, plus que les formes de ses propos, même de ses agissements. Puis finalement, j'ai essayé d'appliquer ça là, à la spéculation boursière, mais là aussi, pour Paris. En tout cas, j'ai plus de misère là. J'essaie d'enseigner à ma plus grande que les adultes ont souvent tort et comment ils sont manipulés. Ça l'énerve, les gens. Je suis heureux finalement. Elle écoute sa guidance personnelle. Ben oui. Il y a des choses, des fois, les enfants, sur le coup, ils trouvent ça énervant, là, ils sont tannés de se faire répéter les mêmes choses. C'est plus tard quand ils le vivent. C'est la pratique. Hein? Donc, une situation donnée, tout d'un coup, ça leur revient. Cette voix n'est pas en conscience, mais au niveau de rêve, mais très réel. Alors, monsieur Madilou, vous avez encore retiré votre message. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Cette voix n'est pas en conscience, mais au niveau de rêve, mais très réel. Alors, pouvez-vous me donner un exemple concret de test de cette voix? Ah, ben là, si vous êtes dans le rêve, au niveau de rêve, il faut que ce soit en temps réel. Un test, c'est toujours en temps réel. S'il y a un décalage, ce qu'on pourrait appeler une vérification. C'est aussi une forme de test. Mais là, c'est plus en rêve. Le double, ça ne va pas s'adresser à vous, juste en rêve, là, entre autres. Il devient de plus en plus facile d'identifier les morons. Quand c'est pas le masque dehors, juste à les entendre canaliser Denis Lévesque à la moindre mention de l'Ukraine des mesures sanitaires. Ben oui. Mais là, c'est plus du monde. Il faut avoir une certaine... Comment je disais ça? Donc, il y a un an, là, je disais qu'il va falloir être indulgent. Ça prend une certaine indulgence. Mais bon. Il faut qu'il brûle dans astrologie, numérologie, ça donnait à cela, n'est-ce pas, une forme d'esclavage? Ben non, ça dépend. Là. Si empiriquement, vous pouvez vérifier ou voir quelque chose se répéter, puis vous pouvez soupçonner qu'il y a une certaine loi subtile derrière, c'est pas nécessairement... Mais c'est pas comme les gens qui sont obsédés par ça, là. Moi, la numérologie, c'est juste des petites choses de base. Là. Je n'ai pas jamais été versé là-dedans. Je n'ai jamais étudié ça en détail. Je sais juste, comme beaucoup, il y a beaucoup d'éleveurs qui vont pouvoir vous le dire, une portée qui est en nombre pair a plus de chances de, vous avez plus de chances de perdre un petit ou d'avoir un petit qui est malade que les portées en nombre impair. Que là, souvent, vous allez réchapper toute la portée. Les éleveurs l'ont remarqué, c'est des lois liées à la vie. C'est des lois de la vie, de la circulation harmonieuse de l'énergie dans des structures qui soit se dégradent, soit se densifient. Donc, je ne vois même pas ça comme de la numérologie au fond. À quoi sert vraiment, les amis? Là, je vous ai lu d'avance là, par peur que ça parte. Il y avait avant. Il est dit que quand ça sent le souffle, c'est dû à des matérialisations astrales. Et voilà. Et voilà. Ben, l'enfer, c'est le bas astral, au fond. Les enfers, c'est-à-dire ce qu'on entendait à l'Antiquité, le séjour des morts, si vous voulez, entre autres, parce que c'est vaste, là, les enfers, mais c'est le bas astral. Même le haut astral, ça va sentir le soufre. Ben, des fois, ça va sentir les roses. C'est spécial, hein? Il y a des manifestations du haut astral qui vont se manifester par des odeurs de fleurs. Bon, mais ben c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. En tout cas. À quoi ça sert? À quoi ça... Ok, je vais lire avant. Dans un monde anti-vie, si l'on se sent l'envie de vie, que faire? Ben, vous vivez votre vie. Au fond, là. L'envie de vivre, c'est plus un mouvement, c'est plus une vibration. Donc, à quoi servent vraiment les amis? Bon, ça, c'est lié justement à, c'est au niveau vibratoire. Vous allez affiner vos corps. On ne peut pas être intelligent tout seul. C'est un peu dans ce sens-là. Dans le sens que pour intégrer du subtil sur une planète expérimentale, ça prend un contexte. Puis, pour l'autre est en quelque sorte une représentation pour le rapport à soi, à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on pourrait parler du principe d'amour. Si les gens qui ont pas de capacité d'amour des autres, ce qu'ils vont venir apprendre sur cette planète-ci, c'est de la domination pratique. C'est un principe de domination qu'ils vont intégrer, comme ben, ou bien de servir de l'entourage, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui a des amis, qui a réellement des amis, au sens où ça veut dire quelque chose, il va intégrer des lois de vie, il va évoluer avec ses amis. Les autres vont lui servir. C'est-à-dire, quelqu'un qui est juste venu intégrer la domination va se servir des autres. Quelqu'un qui est venu intégrer du réel, les autres vont lui servir parce qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. C'est-à-dire, il va avoir des lois d'évolution de l'âme, mais au niveau d'un principe de vie. La vie expérimentale sur une planète expérimentale. Donc, à quoi ça sert vraiment, les amis? Mais ça sert à faire qu'il y a de plus en plus d'esprits d'intelligence qui s'incarnent dans un plan qui était purement structurel, qui était purement matériel, parce que ça fait partie des lois des mondes en évolution, puis de la vie, que ces forces-là viennent coloniser tout ce qui est dense de plus en plus, viennent se densifier. Pourquoi? C'est des lois d'harmonie, c'est... Odeur de lys, oui, ben oui, pourquoi nous? Ah ben là... Vous savez, là, les questions genre pourquoi, qu'on comprenne pourquoi, ou ça, c'est ce qui arrive quand même, je veux dire, c'est le fait accompli. Le réel a une politique du fait accompli, c'est l'intellect qui se demande pourquoi. L'important, c'est intégrer le comment. C'est-à-dire, à force de chercher le sens des choses, on perd de vue d'intégrer la nature des choses. Puis l'intelligence réelle, c'est intégrer la nature des choses, le comment. Le comment est tellement éloquent qu'il se passe du pourquoi qu'il devient une illusion psychologique. Le machisme. Après avoir tiré toutes les cartouches du bas astral, ils nous sortiront le haut astral. Ça a déjà commencé avec tout le New Age, guidange et autres confiseries. Eh oui. Ben oui, c'est une façon de récupérer. C'est un peu comme il y a un filet avec des mailles d'une certaine taille, mais là, il y a des poissons plus petits qui viennent à bout de passer à travers. Donc, il y a un autre filet avec des mailles plus fines. Bonjour, Jean-François. méthode beaucoup de soulagement à se détacher du collectif. J'apprends à prioriser mes enfants, ma famille proche, moi-même. Brûlez votre naïveté, puis envoyez-moi des cartes postales. Oui, bien ça, c'est intéressant. Parce que oui, c'est au niveau de ceux qui sont près de nous qu'on intègre, qu'on évolue, puis qu'on est créatif. Pas au niveau d'un collectif au sens large. Ça, c'est le contexte. Donc, malgré ce dépotoir planétaire, c'est la vie qui reste à la fin. Oui, je pense bien que oui. Ben oui, ça fait partie des lois de la vie. La planète elle-même, en tant qu'entité qui est très vivante, pas au point de tomber dans des affaires de, bon, Gaïa, la Terre meurt, là, c'est pas de ça que je parle, là, mais on va prendre ça comme un gros fruit, là, une grosse orange. Ça fait partie des lois de la vie que s'y manifeste la vie. Puis la planète n'est pas en train de mourir, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Au contraire, plus elle est active, plus c'est comme quand il y a des tremblements de terre, puis moi je trouve qu'on voit qu'il y a une activité particulièrement vivace. Il y a des choses intéressantes. Puis là, il y a des mues qui vont peut-être s'opérer. Ça fait que peut-être que le monde en Californie, ils vont se ramasser le menton ici, puis le nombril là-bas. Puis la folle de San Andreas, puis ces choses-là. C'est difficile de prévoir ce qui va arriver, mais à notre niveau, à nous, au niveau d'un individu, ces choses-là, c'est des programmations qui englobent d'autres. Donc, les cycles de vie d'une planète, mais la planète étant vivante, elle a un microbiote à sa surface, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait de la vie qui se manifeste dessus, notamment de la vie humaine. Puis, un esprit humain, c'est plus intelligent qu'un esprit d'une planète, là. C'est pas parce que c'est gros, gros, gros que c'est plus intelligent que nous. Dans le sens, je parle au niveau d'une individualisation de l'intelligence. C'est comme prenez un éléphant. C'est très intelligent, c'est très sensible à un éléphant, mais ça ne peut pas faire des... Même si on lui donnait la capacité, il ne serait peut-être pas capable d'aller chercher un doctorat. C'est pas parce que c'est gros que c'est plus intelligent. Mais il reste que, bon, c'est des lois. Je vois ça comme c'est des lois de conséquence. Donc, c'est la vie qui reste à la fin, oui. C'est difficile, l'être humain, exterminer ça. C'est comme des... Il y a des lois qui font que plus ils vont s'acharner sur des populations, plus ils vont créer des êtres résistants, créatifs, ça va engendrer de la créativité. Donc, c'est difficile d'éliminer des coquerelles parce que ça se renforce. Et puis, mais en plus, la coquerelle développe une créativité, puis un savoir technique, tactique, là, ça devient encore pire. Donc, si cette voix vient en rêve, c'est forcément de l'astral. Non, pas nécessairement. Mais je trouve étrange que peut-être qu'à l'état de veille, au niveau de votre ego, vous avez des processus intellectuels qui empêchent la manifestation. Donc, c'est quand votre ego est endormi ou dans un état second que ça se manifeste, peut-être. Donc, c'est là que ça devient... Mais non, c'est pas forcément astral. Une amitié psychologique, j'ai du mal désormais car il y a trop de domination. Ben, c'est surtout l'affaire d'identification. Il va y avoir inconsciemment de la comparaison, il va y avoir inconsciemment de la... Puis il va y avoir aussi un commerce psycho-affectif. Il peut se développer du chantage affectif, des choses comme ça. Donc, oui, mais ça en prend quand même. Au niveau, si vous êtes rendu à un stade où vous n'avez plus besoin d'une amitié psychologique, ça se peut que se manifeste autour de vous des gens qui en ont besoin, eux. Puis là, peut-être que vous êtes rendu à intégrer à un autre niveau la capacité de servir aux autres. Pourquoi pas? Christy, Testant, bonsoir à tous. Bonsoir, Marie-Jeanne. Beaucoup d'art, poussez-moi, vous parlez... Es-tu contre la morale? Ça dépend de quoi on parle. Je ne suis pas quelqu'un d'amoral ou d'immoral. Pourquoi je serais contre la morale? Pour moi, ça ne veut rien, ça n'a pas de sens. Là. Comment on peut être contre la morale? Moi, je suis pour l'intelligence intégrale humaine. C'est-à-dire qu'une des choses que je déplore, c'est qu'il a fallu mettre en commandement « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », alors que l'être humain, au fond de lui-même, devrait avoir la capacité intelligente de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, je ne suis pas contre la morale, non. mais la forme est peut-être des fois inadaptée ou désuite. Ah, là, je suis en train d'en perdre, là. Je vais devoir dîner bientôt, je n'ai même pas déjeuné. Donc, fascinant ce retour au paganisme, ils ressortent les tambours, les danses autour du feu, les dieux des roches. Ben ouais. Ben non, il y a une sorte de régression. Ça, je le vois aussi, là. Mais il y a une partie de la population qui n'a même pas été capable, au niveau vibratoire, de se rendre, de dépasser ça. C'est des païens de nature, au fond. L'énergie va selon son appointement, semble-t-il. Donc, bon. Même, vous savez, je regardais quand il y avait les rêves. Vous savez, le phénomène des rêves, puis dans le temps, je disais à la blague, j'ai dit, bon, ils s'en vont, ils vont au sabbat. Je vois ça un peu comme ça. Moi, je considère que la nuit, c'est fait pour dormir. Moi, la nuit, je dors. Je n'ai jamais compris. C'est dans plusieurs aspects là, de la vie que plus ils veulent créer de la peur, moins j'ai peur. Par esprit de contradiction, sans doute, moins ou par mécanisme de protection. Possiblement. C'est pas de l'indifférence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais même là, il faut tenir compte quand même de. Les Russes viennent de brûler la tour de Babel. On voit. Ah. Bon, je vais aller voir ça. Bon, alors comment faire pour intervenir au niveau de l'ego pour faire taire l'intellect? Ah là, ça c'est un travail. Il faut que l'intellect se voie lui-même, c'est-à-dire qu'il va falloir atteindre un plan d'observation objectif de l'intellect. Ce qu'on pourrait appeler une métaconscience, un surmental. Il y a longtemps, je pense en 2016, j'avais fait une vidéo qui était introduction, non c'est ça, au supramental, je ne sais plus. C'est une vieille vidéo où j'explique que il faut que l'ego se voie lui-même. De toute façon, c'est à ça que ça sera l'ego pour se désopacifier, dans le sens que il va falloir qu'il y ait une observation objective des mécanismes subjectifs de l'intellect. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a un surmental engendré. Donc, l'intellect, il va se taire parce que tout simplement, il va se voir. C'est un peu comme, comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui cessent immédiatement. C'est comme si vous apprenez à danser d'une façon naturelle, puis que tout d'un coup, vous vous mettez à vouloir vous concentrer sur chaque mouvement, puis vous vous regardez les pieds, bien là, vous allez vous tromper de pas. C'est un peu pareil, l'intellect. C'est-à-dire que pour que l'intellect se voie lui-même, il faut créer quelque chose en dehors de l'intellect. Puis ça, c'est en essayant de sortir, en sortant de l'attitude de vouloir contrôler les pensées, de vouloir structurer tout le temps, de tout le temps. Donc, c'est, je dirais, par une capacité à entrer dans des formes de laisser aller au niveau de votre pensée. Il faut qu'il y ait une certaine rigidité qui cesse. Donc, puis ça, c'est par la répétition. Ça va devenir de plus en plus aisé. C'est comme n'importe quoi. Donc, il y a aussi peut-être à force de souffrir de votre intellect. À un moment donné, il va y avoir un mécanisme de survie, si on peut dire. Une dame est convaincue d'avoir été une autre personne dans une autre vie et réactive le drame. Je lui ai dit... Est-ce ton ancienne vie ou juste une mémoire de quelqu'un d'autre que tu énergises? Ouais. Ce qui est surprenant, c'est que la personne, il faut qu'elle vive sa vie là, maintenant. Puis, s'il y a une identification à de la mémoire, ça veut dire que l'identité n'est pas réelle. C'est là, maintenant. En tout cas. Il y avait des gens, je me rappelle, là, dans les années 80, là, il y en avait beaucoup. Puis c'était tout le temps, ah, oh, j'ai été Isabelle la catholique. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti ça, qu'elle avait été Isabelle la catholique. Genre, casse-toi, là, je vais te péter une coche pour tous les crimes que tu as commis. T'en as pour une semaine. Je vais te faire ton procès. Moi, c'était Isabelle la catholique. La personne, ah, c'est pas pareil, là, c'est pas. Ben oui, mais là, à un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule aussi. C'est-à-dire que la personne, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir du ridicule qui va sortir de ça un petit peu. Mais aussi, les gens qui ont des mémoires d'autres vies, ils se souviennent jamais d'avoir été une putain dans un quartier pauvre de Londres. Là. C'est assez rare d'avoir été un concierge mexicain dans un marché aux puces dans le sud des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de compensatoire. C'est la vie là maintenant, puis l'identité qui devient réelle là maintenant, puis le créatif là maintenant. Les mémoires antérieures doivent servir et sont censées servir à l'évolution de l'âme, pas de l'ego. Donc, ça sert à quoi l'ego de se souvenir de ça? C'est supposé être intégré. C'est supposé avoir été intégré. Ah, il y a des petits paradoxes, là, des fois. Bon, en tout cas. Et lorsqu'on est confronté à des personnes que l'on connaît dans des rêves, est-ce leur corps astral ou une entitisation émanant de nous? Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Mais souvent, des fois, ça va être la personne, va être une reconfiguration, c'est-à-dire une représentation. Donc, mais ça dépend du type de rêve. Johan, tu écoutes quelqu'un, genre de musique, regarde quel genre de film tu aimes, les mathématiques, à quel point? Je comprends pas la question. J'écoute plus de musique, ça fait longtemps. J'écoute plus de films non plus. Puis les mathématiques, je passe pas ma journée dans les mathématiques, là. Je vois pas. Bon, en tout cas. Pour intervenir au niveau de l'ego, il faut prendre conscience qu'il est manipulé à partir de là, autant le manipuler à ton avantage, c'est ça, devenir son propre programmateur. C'est-à-dire comprendre que c'est des programmes. Intégrer ça. Parce que c'est vraiment des programmes. Notamment tout ce qui est mémoire, tout ce qui est... Bon, je m'en vais travailler. Bonne journée. Bon, mais bonne journée. Moi aussi, là, je vais devoir manger. C'est juste que je veux répondre aux dernières. C'est quoi cet engouement pour le yoga? On dirait que c'est en circuit fermé. Ils font du yoga pour être bon en yoga. Ben, moi, le yoga pour le bien-être et être bien dans son corps, puis j'ai rien contre. Aussi, là... Ça peut être bon pour la santé, entre autres. Mais j'aime pas le yoga dès qu'il y a des aspects liés à l'hindouisme, entre autres. Là. Puis là, ça commence à être... Là, j'aime moins ça. Mais je vois pas... Ils font du yoga pour être bon en yoga. Bon, ça, s'il y en a que c'est un peu comme... Ils ont développé ça comme du sport de compétition, là. Ben oui, je vois pas... l'intérêt tant que ça, mais bon, les gens ont des loisirs, il faut qu'ils aient des loisirs, c'est correct. Mais moi, c'est dès qu'il y a un aspect spirituel, là, j'aime moins ça. Mais bon, c'est leur affaire. Qui est supramental? Ben, je sais pas. C'est pas de mes affaires qui est supramental. Le supramental, c'est un phénomène psychique. C'est aussi une vibration, ça veut dire de l'intelligence au-delà des structures de l'intellect. Donc, tout le monde a ça, même si que ce soit manifeste ou pas. Un grand merci de France. Ah ben merci à vous, Franck. Camille, que vas-tu te faire à manger? Quelle température chez toi? Ben moi, je vis avec quelqu'un qui surchauffe, donc il fait à peu près 23, mais là, dehors, il fait 0 à peu près. Mais habituellement, moi, je suis confortable autour de 14 degrés, 14-15. Puis quand vient l'été, là, je ne vais pas très bien parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais qu'est-ce que je vais me faire pour manger? Je ne le sais pas encore. Je pense que je vais me faire des œufs. Quelle serait donc la définition du surmental? Le surmental, c'est une partie qui est au-delà de l'intellect, dans le sens qui est objective de l'intellect. Donc, qui n'est pas intellectué. C'est du mental non intellectué. Le surmental, un espace non intellectué. Comme par exemple, si vous venez à bout d'atteindre au niveau de... comme un état de la veille et le sommeil, on pourrait appeler ça du surmental. Donc, bon appétit, merci Todd. T'as pas pris de pilule pour ton estomac aujourd'hui? Non. Ben, j'en ai pris ce matin. Mais j'ai pas encore mangé. C'était vraiment. Donc, j'ai pas d'acidité. Mais il y a aussi le fait que j'ai pas bu trop non plus. Il y a l'eau de la ville, ils mettent du chlore dedans. Puis ça me fait des petits problèmes. Merci Virginie. Chantal, est-ce que la communication avec notre double provient de notre cœur? Ça dépend ce que vous entendez par là. Si vous parlez comme une voix, la voix cardiaque, là. Non, pas nécessairement. Ça va provenir de votre centre. Si vous êtes quelqu'un de. Ça dépend de ce que vous voulez entendre par votre cœur. Est-ce que la communication avec le double provient de notre cœur? La communication avec votre double va provenir à la fois de vous puis du double, comme si vous vous rapprochiez d'un miroir. Le reflet se rapproche en même temps. Je sais pas si vous voyez là, ce que je veux dire. Le yoga, pour moi, ça m'a aidé. J'avais toujours les mains gelées et grâce au yoga, j'ai plus de ces problèmes. Vous voyez, oui. Parce qu'il y a une meilleure, possiblement une meilleure circulation du sang. Tout simplement, à force de faire certains mouvements, il y a des nœuds qui se sont défaits. Dans le sens des nœuds, ce que je veux dire, c'est des endroits où c'est un petit peu, c'était un petit peu. Plus le corps, vous vous en servez, plus ça va bien aller avec. Le yoga, au moins, on plie, on déplie toutes les parties. Donc. Moi, je suis au courant, Chantal, pour le bicarbonate de soude. L'affaire, c'est que je ne suis pas pour passer toute ma journée à boire de la petite vache. C'est pour ça que je prends des Tums, là, des fois, de temps en temps, si ça force. Puis, bon. Mais, j'ai aussi des fois. Des fois, je fais des. Là, c'est malhonnête de ma part parce que je suis allé dire à des gens de ne pas prendre des cactus hallucinogènes alors que j'ai déjà fait des mélanges dangereux comme mettre un Alka-Seltzer dans du lait de magnésie. Non, c'est une farce là, que je fais, mais bon. Non, ben, j'ai déjà. Disons que je suis pas mal au courant là, pour mon estomac, quoi faire, là. Mes mains et les pieds. Moi. Ben, c'est ça, si vous faites certains mouvements, là, juste ceux qui font le pont, des fois, ça peut aider la circulation, entre autres. Ça va défaire certaines parties qui étaient rigides du corps. Le corps, c'est un instrument. Plus on s'en sert, plus il va bien. C'est comme, je vois ça des fois chez des personnes âgées, là, c'est comme des dames qui ont développé, vous savez, une posture avec le dos. Ça vient du fait qu'il n'y a jamais eu une. Le corps n'a jamais servi dans toutes ses parties comme il faut, dans le sens que le yoga, c'est un peu ça. Le but, c'était, à mes yeux, je pense, c'était ça au début, le but avant de devenir de la spiritualité, entre autres, c'est une affaire de santé. Donc, non, je n'ai rien contre le yoga. C'est certain que, bon, ils mettent nano-aluminium aussi en passant dans l'eau du robinet. Oui, c'est bien possible. Mais bon. Des brûlures d'estomac, c'est du vinaigre de pomme avec la. Moi, ouais, vous savez, là, peu importe ce que je fais, là, mon estomac, là, il va toujours être comme il est là. Pourquoi? Parce que, entre autres, là, en tout cas, de toute façon, je considère que ça, c'est mes affaires. Mais vous savez, là, j'ai déjà le gel d'aloe vera, moi. Ah, j'ai de. L'affaire, c'est que ça va faire effet. J'en ai déjà bu de l'aloès, là, ça va faire effet un petit temps. Ça revient à automne. Tout ce qu'on me redonne, là, ça me fait la même affaire que les Tums. Ça fait effet un petit bout de temps, puis après, ça revient. Parce que de l'acidité, j'en produis. Je suis une usine à acide. J'ai un. Tout le pH de mon corps est extrêmement acide. Donc. C'est comme essayer de désacidifier une vieille batterie, là. C'est l'estomac qui n'est pas assez acide qui cause les brûlures. Ah, ça, je suis loin d'être certain. Parce que j'ai des reflux. En tout cas. Mais là, vous savez, je l'ai déjà dit que de pas trop m'en parler de ça. De toute façon, ça me sert énormément. Ce matin, il y avait quelque chose qui se passerait pas comme il faut, puis je l'ai su un petit peu d'avance à cause de ça. Mais bon, je l'ai déjà dit que ça ne fonctionne pour moi. C'est drôle comme tout le monde devient médecin d'un coup. Oui, je suis pas malade. C'est ça l'affaire, là. Je suis pas malade, là. C'est le fun d'avoir des douleurs de temps en temps, ça en prend aussi. Moi, j'apprécie beaucoup mes douleurs d'estomac. C'est dans les choses les plus joyeuses dans ma vie. Si d'un jour au lendemain, là, je perdais ça, je pense que je m'en ennuierais. Docteur Berg. Oh. Une dame de 86 ans, elle faisait le yoga avec moi. On dirait qu'elle a 20 ans. Ah bon, ben oui. Le corps est, surtout les dames, là, après la ménopause, là, le corps est porté, à, on dirait, à vieillir plus vite. Là. Puis des fois, l'exercice, ça pourrait aider à peut-être empêcher certaines, bon, certaines formes moins harmonieuses d'apparaître. Nous vivons sur une planète expérimentale, c'est assez révélateur. Donc, mon expérience ici-bas n'est qu'une expérience, et je, non pas dans ce sens-là en tout cas, et je m'aligne de plus en plus à rester centrique dans tous mes sens du mot. Oui, mais on est dans une planète expérimentale dans le sens que c'est sa fonction. C'est-à-dire qu'ici, l'intégration se fait par l'expérience dans la matière. Moi, j'ai des hémorroïdes. Vous me conseillez quoi? Ben, premièrement, de ne pas en parler publiquement, car ce n'est pas convenable. C'est mon premier conseil. Non, bon, je ne sais pas. J'ai jamais eu ça, des hémorroïdes. Ben, je ne pourrais pas vous dire quoi faire. Mais bon, j'ai un traité chinois qui parle de ça, par contre. Là. C'est quoi, là? C'est... En tout cas, il y a une plante qui... Je ne me suis pas regardé en détail ce qu'il faut faire avec. Là. Du beurre. Quoi? Mettez du beurre. Pour les hémorroïdes, essayez de bannir la télé. Ah, pourquoi pas? Mais ça, bon. Vous savez, les hémorroïdes, c'est une infection de certains... c'est des petits vaisseaux sanguins qui s'infectent. C'est peut-être lié à l'alimentation, là. Si c'est pas une farce, là, ce que vous me dites. La Terre, c'est un labo. Eh oui, je n'ai pas la TV. Ben, moi, je l'ai, mais c'est pas de ma faute. C'est quelqu'un qui... J'essaie d'apprécier... Ben, j'ai pas d'hémorroïdes, par contre. J'essaie d'apprécier d'avoir une espèce de rhinopharyngite, mais j'avoue que j'ai hâte que ça guérisse. Une fois guéri, cependant, je serai content quand j'aurai refait mon immunité. Bon. Vous voyez... Il y a déjà ça. Depuis que j'ai fait mes besoins dans mon jardin, ça a complètement disparu. Je vous donne la solution. Ah bon. Moi, j'espère que vous êtes clôturés, là. Je comprends que c'est une farce, là, mais trouver la source du problème, vous n'aurez plus besoin d'essayer 15 cossins. Parfois, je n'essaye rien, moi. Je suis très satisfait, moi, avec mes antiacides. Puis ça a une fonction. La maladie n'est pas envisagée pour ce qu'elle est. Il y a Bernard qui avait parlé de ça. La maladie a toujours, souvent une fonction. Ce n'est pas juste des lois mécaniques de conséquences, nécessairement. La première fois que je suis en direct avec vous, ah, puis bon, je suis sur le point d'arrêter. Il faut que, justement, que je mange. Il me semble pourtant qu'une personne supramentale est très ancrée sur Terre et n'est pas entre deux états conscients et de méditation. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Des gens supramentales, moi, j'en ai jamais vu. Le supramental, c'est un phénomène. C'est intermittent, semble-t-il. Donc, c'est quoi une personne supramentale? Très ancrée sur Terre, oui, ça, c'est une personne pragmatique, on peut dire. Donc, ce n'est pas une farce du tout, la position sur les toilettes, mais totalement inconfortable. Ah oui, ah. Vous savez, là, il y a les espèces de toilettes turques. Peut-être que vous pourriez faire installer ça. La maladie peut servir, par contre, les hémorroïdes, ouais. Mais oui, la maladie, ça a une fonction habituellement. Ça peut même être une fonction psychologique. Donc, moi, je trouvais ça bizarre. Ouais, c'est parce que ça fait chier au sens figuré, puis ça constipe au sens premier. Donc, la différence entre le signifiant, le signifié, l'objet, le... Non. Non, bon, ben moi, je vais vous laisser. Je vais aller... Ah, encore 52 spectateurs. C'est souvent, j'ai souvent 52 piles. Ah, il y en a un qui vient de partir. Ça doit être parce que j'ai dit, je vais vous laisser. Parce que je dois manger. Je ne sais pas quand je vais refaire un live. Donc, quand vous dites « ah oui, bon, ok. » Il y a des petits tabourets qu'on met à côté des toilettes pour avoir la position accroupie naturelle. Les sujets deviennent... bon appétit, oui, c'est ça. C'est spécial là, d'avoir ça en plus de me souhaiter bon appétit. C'est un peu l'antithèse de... Non, même pas. Hey, là, vous me faites réfléchir. C'est pas correct, ça. Le surmental est un état entre deux. Il me semble que... C'est... Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est parce que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Allez écouter Bernard de Montréal, le mental, le surmental et le supramental. Donc, comme ça, je n'aurai pas... À... Merci, j'apprécie pas. Ben, merci à vous. Comme ça parle de santé ce soir, qu'en est-il de la tension artérielle élevée? Ben, ça peut avoir différentes causes, j'imagine. Moi, je ne suis pas médecin. Peut-être que ça peut dépendre d'un grand stress, là. Merci. Merci à vous, Mimi. Étienne Tabouret, là, ouais. Bon, Thomas. Bon, désolé. Bon, là, c'est vrai, là. Faut que je m'en aille. Chercher le squatty potty, c'est pas une joke. Ouais, bon. Tant mieux. Je suis persuadé, là, que... Ouais. Oui, à l'intégration. Mais comme je vous dis, là, pour le surmental, là, Bernard en a parlé de ça. Puis vous allez voir, c'est un état d'objectivité en dehors de l'intellect. C'est un plan d'observation duquel on peut observer objectivement les mécaniques de l'intellect en dehors de l'intellect. C'est pas au sens d'un état second. Là. C'est pas au sens d'un... Même, je dirais, c'est un retour à un état premier, puis c'est l'intellect qui devient un état second. Et c'est réalisé à partir de ce qu'on pourrait appeler le surmental. Donc, j'ai aussi le pouvoir du jeûne. Il paraît que ça a des bonnes vertus. Ah, ben oui. Ben, de temps en temps, là, de manger un petit peu moins, oui, ça peut... La plupart prenaient, là, dans le temps, il y avait le carême. Là, c'était certainement bon pour la santé. En tout cas, on a la preuve aujourd'hui que le supramental peut mener aux... Ouais. Oh, ben là, là. Commencez à faire de l'esprit de bottine. Moi, à moins 40, on n'habite pas tous. Bon, là, c'est vrai que j'arrête. Bonne journée à tout le monde.